السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، لقد قص الله علينا أيها الإخوة في كتابه العزيز قصص الأنبياء والمرسلين، لنأخذ منها العبر، لنأخذ منها العبر، ولتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولتقوية إيمان المؤمنين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن قص علينا قصة يوسف مع إخوته: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى في موضع آخر من كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Donc mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte et nous a raconté dans son livre sacré Al-Qur'an les histoires des prophètes et des envoyés. Les histoires des prophètes et des envoyés, pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour qu'on les lise seulement sans qu'on prenne de morale? Pour qu'on les raconte entre nous? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte les histoires des prophètes qui nous ont précédés pour qu'on prenne des leçons, pour qu'on prenne des morales de ces histoires-là, et pour que cela ait un impact et un changement dans notre vie de tous les jours. Il ne faut pas que ça soit une histoire banale qu'on se raconte nuit et jour. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, après qu'il nous ait raconté l'histoire de Yusuf alayhi salam avec ses frères: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans leurs histoires une morale. Pour qui, mes frères, une morale? Pour qui? Pour les insouciants, pour les ignorants, pour ceux qui se détournent de la religion. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Il y a certes dans leurs histoires une leçon ou une morale pour ceux qui réfléchissent. Pour ceux qui réfléchissent. Naam, ceux qui réfléchissent, ceux-là vont bénéficier de ces histoires-là. Quant aux insouciants, et quant aux ignorants, et quant à ceux qui se détournent de la religion, ça ne va rien leur rajouter de lire les histoires des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset: et tout ce que nous te racontons comme récit des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. C'est pour en raffermir ce cœur. Ça, c'est la deuxième cause pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire des prophètes. Pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de lui dire qu'il y a des gens qui sont passés avant toi. Ô Muhammad, il y a des prophètes qui sont passés avant toi. Il y a des prophètes qui ont été envoyés à des gens, à des polythéistes. Mais ils ont patienté. Ils ont patienté jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire. Donc, soit comme eux, Mohammed. Soit comme eux, Mohammed. Et كذلك, les histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte font que la foi des mois et la foi des croyants se renforce. Lorsque le croyant voit que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours éprouvé ceux qui sont dans la vérité, a toujours mis dans leur chemin des gens égarés, a toujours mis dans leur chemin des ennemis, et dès que le croyant voit que après cela ils ont eu la victoire, après cela ils ont eu l'agrément éternel, après cela ils ont eu le délice éternel, la foi du croyant augmente. ومن هؤلاء الرسل الذين قص الله علينا قصته في كتابه العزيز هذا النبي العظيم وهذا العبد الصالح وهذا الرجل الصالح أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى عنه في كتابه العزيز وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال جل وعلا في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Et parmi ces prophètes là, mes frères, parmi ces prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté son histoire dans le Coran, l'histoire de cet homme pieux, l'histoire de ce prophète magnifique, l'histoire de cet immense homme, Ayyub alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant Ayyub, et Ayyub, lorsqu'il implora son Seigneur, lorsqu'il invoqua son Seigneur, le mal m'a touché. Oh Allah, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors nous avons exaucé sa demande. Nous avons exaucé sa demande, enlevé le mal qu'il avait, rendu les siens, et autant que, par pitié de notre part, et en tant que rappel pour les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre endroit dans le Coran, qui est sourate Sad, et rappelle-toi, ô Muhammad, rappelle-toi de Ayyub, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé angoisse et détresse. Le diable m'a infligé angoisse et détresse. Frappe la terre de ton pied. Allah lui a dit, lui a révélé de frapper la terre de son pied. Voici une eau fraîche pour te laver et de quoi boire. Et nous lui avons rendu sa famille et a fait qu'elle soit deux fois plus nombreuse comme miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens intelligents. Ayyuha al-ikhwa, يذكر المؤرخون رحمهم الله تعالى والمفسرون أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان من ذرية العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام فهو من أنبياء بني إسرائيل وهذا الرجل قيل أنه كان في الشام وقيل أنه أرسل إلى الروم قيل أن أيوب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الروم هذا الرجل الصالح أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بالنعم العظيمة بالنعم الظاهرة والباطنة كان يملك من أنواع الأموال من المواشي والأنعام والأراضي وكان في صحة وعافية قيل أنه كان يملك أرضا بضواحي دمشق كان يملكها كلها ولكن الله سبحانه وتعالى الذي عنده مفاتيح خزائن الأرض الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى الذي هو الغني بذاته وكل الخلق فقير بذاته أراد بحكمة أن يبتليه أراد بحكمته أن يبتليه وسلب عليه النعمة سلب عليه هذه النعم التي كان عليها نعمة المال ونعمة الصحة ففقد المال كله فقد المال كله كل ما كان له فقده سلبه الله عنه أخذه منه وما وفقد أيضا الأولاد ماتوا كلهم وما اكتفي بهذا بل أصيب في بدنه فبعد أن كان صحيحا معافا أصيب بمرض شديد قيل أنه لم يبقى موضع في جسده لم يسلم من المرض إلا لسانه وقلبه تصوروا أيها الإخوة معي جميع جسده مريض أكله الدود إلا اللسان والقلب ماذا كان يفعل عليه موسى عليه الصلاة والسلام فكان يذكر الله بلسانه وقلبه كان يذكر الله بما بقي له من الجوارح فكان عليه الصلاة والسلام في حالتي الرخاء والبلاء صابرا مثالا محتسبا فكان عليه الصلاة والسلام مثالا لعباد الله الصالحين في صبره وشكره عليه الصلاة والسلام وما بقي الأمر إلى هذا وصل الحد إلى أن كرهه الناس وما استطاع الناس أن يجلسوا معه عافاه الجليس والقريب والبعيد واستوحش منه الأنيس يستوحش منه لما إذا رآه يستوحش يقول ما هذا الوجه وما هذا الجسد يخاف تأخذه الوحشة حتى قيل أنه عزل ورمي في مزبلة القرية وبقي هنالك من بقي معه امرأته وزوجته انظروا معي أيها الإخوة هذه الامتحانات والبلاء وهذا البلاء بلاء بعد بلاء فما زاده عليه الصلاة والسلام إلا صبرا وشكرا وعدم التسخط وعدم التضجر mes frères parmi ces histoires là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans son livre l'histoire de Ayyub alayhi salatu wassalam l'histoire de cet homme magnifique comme je l'ai dit précédemment. Ce prophète-là, les savants ils disent que c'est un descendant de Ishaq alayhi salatu wassalam, qui est le fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il fait partie des prophètes des enfants d'Israël, Banu Israël. Ils disent les savants que, mais c'est pas de source sûre, qui se situait Fisham. Hein, aujourd'hui on appelle ça la Palestine, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Tout ça, cette région-là, on appelle ça en arabe. Hacham, il était dans cette région-là. Vers quel peuple il a été envoyé? Vers quel peuple il a été envoyé? Certains savants disent qu'il a été envoyé aux Romains. Il a été envoyé aux Romains, alayhi salatu wassalam. Cet homme-là, ayyuha al-ikhwa, c'était un homme pieux, comme je l'ai dit précédemment, à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toutes sortes de bienfaits, toutes sortes de richesses, des terres, des animaux, toutes sortes de richesses que vous pouvez imaginer, il les avait. Certains savants disent aussi qu'il possédait toute une région, Fisham. Il avait la santé, il avait beaucoup d'enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a besoin de personne et que toute sa créature a besoin de lui, a décidé avec sa sagesse de l'éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de lui enlever tous ces bienfaits-là. Tous ces bienfaits-là, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les enlever. Premièrement, il lui a retiré tous les biens qu'il avait. Après qu'il était l'un des plus riches, ou ce n'est le plus riche, il est devenu le plus pauvre. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Imaginez-vous, mes frères, de passer de la richesse, d'avoir besoin de rien, à avoir besoin de tout, à devenir un pauvre. Deuxième épreuve qu'il a eue, comme on a dit précédemment, qu'il avait beaucoup d'enfants. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses enfants. Quelle grande épreuve de perdre ses enfants. Wallahi, c'est une épreuve que seuls ceux qui sont dans ce cas-là, yani, le savent. Et ça ne s'est pas arrêté là, mes frères. On dira que cela suffit comme épreuve, mais ça ne s'est pas arrêté là. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé dans sa santé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé dans sa santé par une maladie grave. Une maladie, mes frères. Imaginez-vous une maladie qui ronge le corps, qui ronge tout endroit de ton corps, et puis jusqu'à ce qu'il ne te reste plus que tes nerfs et tes os. Tasawwaru ma'i, il avait cette maladie-là, alayhi salatu wa salam. Il y a quoi? Et quel membre qui est resté, qui lui est resté? Quels sont les membres qui lui ont resté? C'est son cœur et sa langue. Son cœur et sa langue. Mais malgré ça, il s'est dit, alayhi salatu wa salam, je vais les employer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faisait du dhikr avec sa langue et son cœur. Il faisait du dhikr avec sa langue et son cœur. Wallahi, c'était un exemple. Alayhi salatu wa salam, c'était un exemple dans l'aisance et dans l'épreuve. Dans l'aisance, il était reconnaissant. Et dans l'épreuve, quel patient il était. Comme je vous l'ai dit précédemment, il a été atteint d'une maladie grave qui a rongé tout son corps, qui lui a laissé que sa langue et son cœur. Et le summum, comme on dirait, là, c'est que les gens avaient peur de lui. Il avait une sourate, une image qui faisait peur. Il avait une image qui faisait peur. Celui qui s'assied à côté de lui, il était pris d'angoisse. Il était pris de peur. Mais c'est quoi cette créature? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour être dans cette situation-là? Celui qui s'assied à côté de lui éprouvait du dégoût. Il ne pouvait pas rester avec lui longtemps. Jusqu'à que les savants disent qu'il est rapporté qu'il a été mis en quarantaine. Il a été isolé dans l'endroit des ordures du village. Ils l'ont mis là-bas, ils l'ont laissé là-bas, et reste à côté des ordures. Et nous, on veut qu'il soit éloigné de nous. Qui est resté avec lui? Qui est resté avec lui? Sa femme. Cette femme pieuse. C'est cette personne-là, la seule qui est restée avec lui. فكانت كما قلنا أيها الإخوة ما بقيت معه إلا امرأته هذه المرأة الصالحة والزوجة البارة فهذه المرأة كانت تخدم عليه بأنواع العمل وتصبر معه على ما أصابه من البلاء وتقدم حقه على حقها وتقدم إحسانه على نفسها وكانت تؤثر نفسه على نفسها وكما قلنا أن أيوب عليه الصلاة والسلام ما كان عنده مال صار فقيرا ما كان عنده شيء فكانت تذهب هذه المرأة الصالحة تعمل عند الناس لتأتي بالطعام والشراب حتى تعطيه أيوب عليه الصلاة والسلام فصبرت والله على فقد الطعام والشراب والأولاد والأموال فإنا لله وإنا إليه راجعون وكما تقدم أيها الإخوة أن هذه المرأة كانت تخدم الناس تمشي عند الناس وتسألهم هل عندكم عمل أشتغل عندكم أخدمكم على مقابل أجرة والناس علموا أنها امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام علموا أن هذه المرأة امرأة ذاك المريض الذي أصابه هذا المرض الفظيع وهذا المرض الشديد وهذا المرض العظيم، علموا ذلك فأبوا أن يشغلوها. أبوا، لماذا أبوا؟ لماذا أبوا؟ خافوا أن يصيبهم ما أصابه ما أصاب أيوب، فما أرادوا أن تخدم عندهم. فلما رأت أن لا حيلة لها ولا أحد يريد أن يخدمها، فذهبت إلى عند أحد بنات الأشراف في قومها وقالت لها: أبيعك هذه الضفيرة، يعني الضفيرة الشعر، بمقابل أجرة. انظروا أيها الإخوة أين وصلت، ماذا فعلت حتى تأتي بالطعام إلى زوجها. باعت شعرها، باعت ضفيرتها، لماذا؟ لتطعم زوجها. من يفعل هذا اليوم؟ من يفعل ذلك اليوم؟ باعت شعرها لتأخذ أجرة، ولا تأخذ المال ولا تقول هذا المال لي، لا، تذهب وتشتري طعاما وتطعم ذاك المريض وهو زوجها. باعت شعرها، الله أكبر، هذا هو الإيثار، والله هذا هو الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأتت لما باعت هذه الضفيرة واشترت طعاما، رجعت إلى أيوب عليه السلام، وأيوب عليه السلام يعلم أنه ليس عندهم شيء، ليس عندهم مال، ليس وهم فقراء. رآها بهذا الطعام استغرب وأنكر الأمر، قال لها: من أين أتيت بهذا؟ علم من أين أتيت بهذا؟ غريب، هذا أمر غريب، ما عندنا شيء، ما عندنا مال، لا أشتغل، من أين جبت، من أين أتيت بهذا؟ فقالت: خدمت أناس فأعطوا لي أجرة فاشتريت بها طعاما. فتركها أيوب عليه الصلاة والسلام، تركها. Donc mes frères, comme on a dit précédemment, que la seule personne qui reste avec Ayyub alayhi salatu wa salam, c'est cette femme pieuse. Cette femme pieuse qui est restée avec lui et qui le travaillait, qui travaillait pour lui et qui s'occupait de lui et qui devançait le droit de Ayyub alayhi salam sur son droit à elle. Elle s'occupait même pas d'elle. Tellement qu'elle s'occupait d'Ayyub alayhi salam, a délaissé son droit, elle ne s'occupait même pas d'elle. Elle faisait tout ça avec la patience. Elle faisait tout ça avec la patience sur la maladie de son mari, sur la perte de ses enfants et de la pauvreté après la richesse. Wallahi, c'est une épreuve azim. Elle a subi, elle était riche elle aussi. Son mari était en bonne santé, il vivait dans l'aisance. Elle avait beaucoup d'enfants. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Wallahi, c'est une grosse épreuve. Wallahi, c'est une grande épreuve. Malgré ça, elle a patienté. Elle a patienté, elle a espéré la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et comme on l'a mentionné, mes frères, cette femme-là allait travailler chez les gens. Aller travailler chez les gens. Pourquoi? Parce qu'Ayyub alayhi salam, comme on a mentionné, il n'avait plus rien. Il avait tout perdu, il était devenu pauvre. Il n'avait même pas de quoi manger. Alors elle, le matin, elle sortait, elle allait chercher du travail afin d'avoir un salaire pour ramener de la nourriture et de la boisson à Ayyub alayhi salatu wassalam. Alors elle allait à chercher, à demander aux gens. Personne ne voulait la faire travailler. Personne ne voulait la faire travailler. Pourquoi, mes frères? Pourquoi ils ne voulaient pas la faire travailler? Car ils savaient que cette femme-là, c'était la femme de Ayyub alayhi salatu wassalam. C'était la femme de cette personne-là qui a une grave maladie. C'est la femme de cette personne qui a été éprouvée et qui a dû faire un grand mal pour tomber dans cette maladie-là. Il s'éloignait d'elle de peur d'être contaminé de cette maladie-là. De peur d'être contaminé de cette maladie-là. Éloigne-toi de nous, éloigne-toi de nous, ne viens pas vers nous, de peur que la maladie de ton mari nous touche. Mais elle cherche encore à travailler, elle cherchait des moyens. Dès qu'elle a pu trouver de moyens, le seul moyen qui venait dans sa tête, c'est de vendre une de ces deux nattes qu'elle avait. Cette femme-là, elle avait deux nattes. Elle a coupé une de ses nattes, elle l'a vendue à une des femmes des riches de son peuple. Regardez mes frères. Regardez mes frères. À quel point elle est allée pour ramener de la nourriture à son mari, à un point de vendre ses cheveux. Wallah, qui pourrait faire ça aujourd'hui? Qui pourrait faire ça aujourd'hui? Quelle femme pourrait faire ça pour son mari? Son mari, il a une épreuve. Ça, c'est le moins. T'étais le plus nul du monde. Son mari, il est malade. Il a un défaut. Son mari, il a un problème. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a fait les hiyas façon pas. Cette femme-là, regardez qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a coupé sa natte et elle l'a vendue. Pourquoi? Pour aller acheter de la nourriture. Même pas pour prendre l'argent pour elle, pour l'économiser, non. Pour aller utiliser cet argent-là, pour acheter de la nourriture et donner ça à son mari. Ayyub alayhi salatu wa salam. Alors, elle rentra chez elle. Elle rentra chez elle. Et Ayyub, voyant cette nourriture-là, cette boisson-là, il s'étonne. Il trouve cette chose bizarre, étrange. Elle vient, ma femme vient avec de la nourriture, alors qu'on n'a rien du tout. Alors qu'on a tout perdu. Alors qu'on est pauvre à un tel point qu'on n'a rien pour manger et boire. D'où t'as ramené ça? D'où as-tu ramené ça? Alors elle lui a répondu, j'ai travaillé pour des gens. Et ils m'ont donné un salaire avec lequel j'ai acheté de la nourriture et de la boisson. Alors Ayyub alayhi salatu wa salam l'a délaissé et lui a rien dit et a mangé sa nourriture. Falamma kana min al-ghad fa'alat kal'adati kharajat min baytiha lita'ti bi ta'am li zawjiha al-habib wal-marid. فكما قلنا الناس يرفضونها ولا ويأبون أن يعطوا أن يخدمونها ففعلت مثل ما فعلت البارحة فباعت الضفيرة الثانية فما بقي على رأسها شعر تصوروا أيها الإخوة زينة المرأة في شعرها كما يقولون زينة المرأة في شعرها وهو أثمن شيء في المرأة باعت ما بقي لها من شعرها لماذا لتطعم زوجها فرجعت إلى أيوب عليه الصلاة والسلام رجعت إليه بهذا الطعام وهذا الشراب وكما قلنا لما رأى ذلك استغرب واستنكر وقال من أين أتيت بهذه والله اليوم لا أتركك من أين أتيت هذه والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تصدقي معي في الكلام فألح عليها حتى كشفت عن حجابها حتى كشفت عن ثوبها فلما رأى رأسها ليس له شعر دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين دعا ربه لما رأى هذه الزوجة ذهب عنها هذا الشعر دعا ربه فقال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فجاء الفرج من الله القوي العزيز من يجيب المضطر من العزيز الحكيم ممن هو فوق سبع سماوات استجاب له سبحانه وتعالى وأمره أن يضرب برجله الأرض فخرج من هذا الأرض ماء باردا يشرب منه ويغتسل به فذهب عنه ما كان عنده الله أكبر الله أكبر هذا هو الفرج والله صبر صبر رحمه عليه الصلاة والسلام فجاء الفرج جاء الفرج وأبدله الله هذا المرض صحة وهذا الفقر مالا أكثر من ماله الذي كان عنده وأرجع له ولده أولاده فالله أكبر فسبحانك يا ذا الجلال والإكرام على ما تنعم على عبادك الصالحين. Alors, mes frères, comme on a mentionné précédemment, cette femme-là, cette femme pieuse, le lendemain est sortie pour chercher un salaire pour acheter de la nourriture à son mari, pour son mari. Acheter de la nourriture à ce mari pauvre, qui n'a rien du tout. Alors, elle a fait la même chose que la veille. Elle va, elle cherche du travail. Et tout le monde la rejette. Tout le monde la rejette. Éloigne-toi de nous. Alors, lorsqu'elle ne trouve personne, elle a eu comme solution que de couper la deuxième latte qui lui restait. De découper ça de la deuxième latte qui lui restait. Imaginez-vous, mes frères, les cheveux, comme ils disent les Arabes. Les cheveux, c'est la beauté de la femme. C'est la chose la plus précieuse qu'il y a dans la femme. Elle a coupé ce qui lui restait comme cheveux. Pourquoi ? Pour son mari. Après qu'elle ait des beaux cheveux, elle est devenue chauve. Pourquoi ? Pour son mari. Pour obéir à son mari. Pour ramener de la nourriture à son mari. Pour servir son mari malade. Alors, cette femme pieuse, cette femme... Lorsqu'elle revient chez Ayoub alayhi salatu wassalam avec cette nourriture-là et cette boisson-là, Ayoub a juré, Wallahi, je ne mangerai pas et je ne buirai pas de cette boisson-là tant que tu me diras la vérité. D'où t'as ramené cette nourriture? D'où t'as ramené cette boisson? Wallahi, on est pauvre, on n'a rien. D'où tu ramènes ça? Dis-moi la vérité. Et il est resté avec elle jusqu'à qu'elle a dévoilé son voile. Jusqu'à qu'elle a enlevé sur sa tête son voile. Et choqué. Ayoub alayhi salatu wassalam fut choqué. Wallahi, on peut être que choqué. Il voit sa femme qui a plus de cheveux. Sa femme qui, après qu'elle avait de beaux cheveux, qu'elle avait ses cheveux magnifiques, elle est devenue chauve. Alors à ce moment-là, Ayoub alayhi salatu wassalam a invoqué son Seigneur. A invoqué celui qui, lorsqu'on l'appelle, répond. A invoqué que celui que lorsque celui qui est dans une situation grave l'appelle, l'invoque, il le sauve. Il appelle son Seigneur, oh Allah, ya Allah, oh mon Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors mes frères, Allahu Akbar, la délivrance est venue, la réponse est venue rapidement. Les ulama du tafsir, ils disent que il n'y a pas eu un laps de temps entre l'invocation de la dua. On lui a directement répondu. Allahu Akbar. Wallahi, Allah dit la vérité lorsqu'il dit Man yad'uni fa astajib lah. Qui m'invoque, je lui répondrai. Mais qui l'invoque vraiment? Qui l'invoque vraiment avec sincérité? Que Allah répondra. Regardez ce prophète, il a invoqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu directement, sans laps de temps. Allah lui a révélé, frappe la terre de tes pieds. Un miracle, mes frères, qui est venu. Il a frappé ça, la terre de ses pieds. De l'eau fraîche qui sort de cette terre-là, pour boire et se laver. Ayoub alayhi salatu wa salam fait ce qu'Allah l'ordonne. Il frappe la terre de ses pieds, de l'eau sort. Allahu Akbar, de l'eau sort. Il en boit et il se lave avec. Tout ce qu'il avait comme maladie, tout ce qu'il avait comme mal est parti. Après qu'il avait une image, un corps qui faisait peur, il avait les plus belles, un corps parfait. Après qu'il avait tout perdu comme bien, Allah lui a fait descendre du ciel, comme il est venu dans le hadith, des sauterelles en or. Allahu Akbar. Allah lui a fait descendre de son ciel des sauterelles en or. Et après qu'il ait perdu tous ses enfants, Allah lui a doublé la quantité de ses enfants qu'il avait. Certains savants disent quoi? Certains savants disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait revivre ses enfants qui sont morts. ou certains ou d'autres disent aussi que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des autres enfants en plus grande quantité. En plus grande quantité. فهذه هي قصة أيوب عليه الصلاة والسلام مختصرة وإلا فقصته لو قصصناها وقرأناها لا بقينا طول الليلة وكما قلت في بداية المحاضرة أن العبرة من قصة الأنبياء ليس مجرد القصة والقراءة وأن أقرأ عليكم هكذا لا الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نأخذ منها العبر نأخذ منها العبر ونأخذ منها الدروس الذي يسمع قصة أيوب لابد عليه أن يأخذ هذه أن يأخذ دروس أن يأخذ دروسا وعبرا حتى يطبق ذلك في واقع حياته وسأذكر هنا بعض الدروس والفوائد والعبر من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام فمن هذه الدروس والعبر أيها الإخوة المستفادة من هذه القصة عظم ابتلاء الله سبحانه وتعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام والله إنها لبلاء عظيم وهذا البلاء أيها الإخوة لم يزد أيوب إلا صبرا لهذا البلاء أيها الإخوة لا يزيد ما زاده إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا لربه جل وعلا حتى إن المثل ليضرب بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام حتى يقال هذا فلان صبره كصبر أيوب وحتى أصور لكم شدة مرض هذا النبي الصالح أذكر لكم هذا القول السدي رحمه الله تعالى قال تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العظم والعصب انظر تصوروا يا إخوة اللحم يتساقط وما يبقى على الجسد إلا العصب والعظم وجاء في مسند أبي يعلى رحمه الله تعالى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيها الإخوة يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مدة ابتلاء نبينا أيوب عليه الصلاة والسلام نحن نظن أن ممكن أن البلاء بقي عنده شهرين أو سنة أو سنتان اسمعوا إلى هذا الحديث بارك الله فيكم والله هذا الحديث العظيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة 18 سنة ما تسخط عليه الصلاة والسلام وما دعا هذه المدة بقي طول هذه المدة ما دعا ربه حتى يزيل عنه هذا المرض تصوروا أيها الإخوة هذه المدة 18 سنة لو فرضنا أن الإنسان يعيش 60 سنة ثلث حياته مريضة ثلث حياته مبتلى الله أكبر فما زاده ذلك البلاء إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا لربه جل وعلا comme j'ai dit mes frères comme on a dit au début du cours au début de la muhadara de la conférence on va pas raconter l'histoire des prophètes comme ça juste pour raconter leurs histoires on part sans prendre les leçons les morales de cette histoire là et inshallah ta'ala je vais mentionner quelques leçons pour qu'inshallah on les applique dans notre vie de tous les jours et que si l'un d'entre nous est éprouvé maintenant ou qui peut-être dans sa vie va être éprouvé il aura comme exemple l'histoire de Ayyub alayhi salatu wassalam parmi les leçons à tirer de cette histoire là mes frères c'est l'épreuve la première leçon, la grande épreuve que Ayyub alayhi salatu wassalam a eue la grande épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a infligée à ce prophète alayhi salatu wassalam. Mais cette épreuve-là, mes frères, n'a fait que lui rajouter de la patience. N'a fait que de lui rajouter de la patience et de la reconnaissance. Naam, à un point, mes frères, que maintenant il y a une expression chez tout le monde. Lorsqu'on voit une personne patiente, ils disent les gens, cette personne-là, un tel, il a la patience de Ayyub alayhi salatu wassalam. À un tel point, mes frères, que maintenant on donne des expressions sur la patience de ce prophète. Et pour vous donner une image de son épreuve et de sa maladie, un sheikh dit, un des savants du tafsir, il dit, rahimahullah ta'ala, que la peau de Ayyub alayhi salatu wassalam s'enlevait l'une après l'autre, tombait l'une après l'autre. Imaginez-vous, mes frères. Imagine-toi, mon frère, ta peau qui tombe. Ta peau qui tombe, à un point qu'il reste plus de peau. Il reste que, du coup, se dit, jusqu'à qu'il reste que le nerf, les nerfs et, la, et les os. Il n'y avait que les nerfs et les os sur le corps de Ayyub alayhi salatu wassalam. Que les os et les nerfs. Allahu Akbar. Et cela n'a fait que rajouter de la patience. Cela a fait que rajouter de la patience, de la reconnaissance. Mais l'un d'entre vous peut se poser une question, peut-être se poser cette question-là. Mais combien de temps, combien d'années, combien de mois a été prouvé Ayyub alayhi salatu wassalam? Un mois, une semaine, deux mois, trois mois? Nous on se dit que cette épreuve-là ne suffit qu'une heure, ça suffit. Alors écoutez ce hadith que Abu Ya'la rahimahullah ta'ala rapporte dans son musnad. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ayyub alayhi salatu wassalam, le prophète d'Allah Ayyub alayhi salatu wassalam, il restait malade pendant 18 ans. 18 ans mes frères. 18 ans mon frère. Tu tombes malade une heure, tu veux tout retourner. Tu tombes malade une journée. Tu dis mais Allah me répond pas. Allah ne m'exauce pas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette épreuve? J'en ai marre de la vie. 18 ans. Imaginez-vous, on va dire que la personne vit 60 ans. Le tiers de sa vie, il était éprouvé par cette maladie. Le tiers, un tiers de sa vie, il a été éprouvé par cette maladie. Et les savants, ils rapportent, ils disent que Ayyub alayhi salatu wassalam, toute cette période-là, il n'a pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il enlève cette maladie-là. Il a accepté cette épreuve-là. Il a dit que si Allah veut de moi ça, je reste comme ça. Et je n'invoquerai pas Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à, comme on a dit précédemment, jusqu'à qu'il a vu sa femme avec qui a fait tout ça pour lui. 18 ans, mes frères. 18 ans, et nous, on tombe malade quelques journées. On tombe malade une heure, deux heures. Khalas. Nous qalib dunya. On veut retourner à la terre. On a une rage dedans. On n'arrive plus à lire du Coran. On n'arrive plus à faire du zikr. Khalik avec le Coran. Juste avec ta bouche. De faire du zikr. Regardez Ayyub alayhi salatu wassalam. Cela n'a fait que rajouter. Il n'est pas resté à son niveau. Avant sa maladie, ça a rajouté dans son adoration. Après sa maladie, son adoration s'est rajoutée. من هذه الفوائد أيها الإخوة أن يقال يا أهل البلاء يا أهل البلاء يا من ابتليتم بأنواع البلايا يا من ابتليتم في أموالكم وفي أو في أولادكم أو في أنفسكم اصبروا واحتسبوا واعلموا والله ان العوض من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى والله ما لا يضيع اجر المحسنين قال جل وعلا في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده فله الأسوة الحسنة فله الأسوة بنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، حيث ابتلاه الله جل وعلا بما هو أعظم وأعظم من ذلك، فصبر واحتسب حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. فيا من ابتليت، يا أخي المبتلى، يا من ابتليت بالفقر، يا من ابتليت بفقد ولدك وبفقد حبيبك وبفقد زوجتك وبفقد والديك، يا من ابتليت بالمرض، اصبر اصبر واحتسب، والله والله لا يضيع أجرك. واعلم وتيقن أن العوض من الله سبحانه وتعالى. La deuxième leçon qu'on tire de cette magnifique histoire, mes frères, de dire, de lancer un message aux personnes qui sont éprouvées. Oh vous qui êtes éprouvés, oh vous qui êtes éprouvés dans vos biens, oh vous qui êtes éprouvés par la pauvreté, oh vous qui êtes éprouvés par la baisse de vos salaires, oh vous qui êtes éprouvés dans vos femmes, oh vous qui êtes éprouvés dans vos enfants, oh vous qui êtes éprouvés dans votre santé, patientez, patientez et attendez d'Allah sa récompense. Et wallahi, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rendra cela. Ayez la certitude, mes frères, ayez la certitude, mon frère qui est éprouvé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rendra ce qui t'a pris. Allah subhanahu wa ta'ala te rendra ce qui t'a pris. Allah dit dans le Coran, certes nous allons vous éprouver. Certes, nous allons nous éprouver. Regardez comment Allah il appuie la chose. Vous allez être éprouvés. Dans quoi? Par un peu de peur, de faim et de diminution dans vos biens, de personnes et de fruits. Et annonce la bonne nouvelle. Oh Mohammed, annonce la bonne nouvelle aux endurants, aux patients, ceux qui patientent dans les épreuves, ceux qui disent lorsque un malheur les atteint, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Cela reçoivent les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont certes les bien guidés. Ceux-là sont certes les bien guidés. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit en expliquant ce hadith, ce verset est un rappel pour celui qui est éprouvé. Ce verset est un rappel pour celui qui est éprouvé dans son corps, ou dans ses biens, ou dans ses enfants. Et il a certes un bon exemple avec le prophète Ayoub alayhi salatu wassalam, qui a été éprouvé plus que ça. Hein, comme Allah l'a dit dans le Coran, par un peu de peur, un peu de faim. Ayoub alayhi salam, comme on l'a vu précédemment, l'épreuve qu'il a eue. Alors il dit Ibn Kathir, et ils ont Ayoub alayhi salatu wassalam comme exemple jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la délivrance. Donc oh mon frère qui est éprouvé, oh mon frère qui est éprouvé, oh ma soeur qui est éprouvée, sois sûr et certain que Allah subhanahu wa ta'ala te rendra ce qui t'a pris. Allah subhanahu wa ta'ala te rendra ce qui t'a pris. Car il faut savoir, mes frères, que tout le monde sera éprouvé dans ce bas monde. Ce bas monde là, cette vie là, c'est une vie d'épreuve. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَعْمَلًا. طيب. Et la première, la faïdatu الثالثة من هذه القصة أيها الإخوة، أن من أصيب بمصيبة فصبر واحتسب واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. من أصيب بمصيبة، اسمعوا، فصبر واحتسب الأجر من الله واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، عوضه الله خيرا مما أخذ منه، عوضه الله خيرا مما أخذ منه، كما حصل لأيوب عليه الصلاة والسلام، أخذ الله ماله فأعطى له أكثر مما أخذ منه. أخذ الله صحته فأعطاه الله صحة أحسن مما كان قبل مرضه أخذ الله أولاده فأعطاه الله أكثر مما كان له من الأولاد واسمعوا إلى هذا الحديث إلى هذا الحديث العجيب الذي رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى من حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من قال هذه الكلمات عوضه الله خيرا ما أخذ منه فقالت أم سلمة راوية هذا الحديث لما توفي زوجها وكانت تحبه حبا عظيما لما توفي أبو سلمة قالت من خير من أبي سلمة كيف يعني تعجبت وقالت كيف أحصل على خير من أبي سلمة ولكن قالت سأقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف خيرا منها فقالت رضي الله عنها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنت أنه ليس هناك خير من أبي سلمة فتزوجت بأفضل الخلق تزوجت بنبي الله تزوجت بأحب الناس عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه بشرى انتم الخير La troisième leçon qu'on tire de cette histoire-là magnifique, de dire que celui qui est atteint par cette épreuve-là, de dire à celui qui est atteint par une épreuve, que ce soit dans sa santé, ses biens ou sa famille, de patienter et de dire ces paroles-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des paroles lorsqu'il nous arrive une épreuve. Une épreuve grave dans notre vie de la dire qu'est-ce qu'il faut le dire Allahumma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un c'est à Allah qu'on appartient et c'est vers lui que nous retournerons Allahumma ajirni fi musibati ou Allah récompense-moi dans mon épreuve wa khluf khayran minha et donne-moi meilleur que cette épreuve yani que ce qui m'a été pris. Celui qui dit ça, mes frères, avec certitude, Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, Allah lui rendra meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est la plus véridique des personnes qui a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. Voilà, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Écoutez ce hadith ajib, ce hadith étonnant de notre mère, Ummu Salama radiallahu anha. Ce hadith qui est rapporté dans le recueil de Muslim, rahimahullah ta'ala, elle dit au Moussalama que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas une personne, il n'y a pas un musulman qui est atteint par une difficulté, qui est atteint par une épreuve, et qui dit ces paroles-là, et qui dit que ce que Allah lui a ordonné, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on appartient à Allah. Et c'est vers lui que nous retournerons. Allahumma ajirni fi musibati. Oh Allah, récompense-moi dans mon épreuve. Wa khluf khayran minha. Et donne-moi meilleur qu'elle. Sans qu'Allah lui rende meilleur que ce qui lui a été pris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, celui qui était connu par la véracité, celui qui était connu, qui ne mentait jamais, il a dit ça. Alors Ummu Salama a dit, lorsque mon mari Abu Salama, qu'elle aimait énormément lorsqu'il est mort, elle s'est dit, qui sera meilleur qu'Abu Salama? quelle personne qu'Allah pourrait me donner sera meilleure que Abu Salama. Mais elle s'est dit, mais je vais quand même la dire car Allah, car Allah a ordonné de la dire, alors je vais la dire. Regardez, les sahaba, les compagnons, comment ils étaient obéissants. Comment ils appliquaient directement les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'attendaient pas. Malgré qu'elle s'est dit ça dans sa tête, elle a dit cette parole-là. Elle a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajalni fi musibati wa khalufni khayran minha. C'est à Allah que nous appartenons. Et c'est vers lui que nous retournerons. Allah récompense-moi dans mon épreuve. Et donne-moi meilleur que ce qui m'a été pris. Al-Jiq Abu Salama, à la fin du hadith, je me suis marié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui la meilleure. C'est lui qu'Allah a donné à la place de Abu Salama. C'est ce prophète-là, la meilleure des créatures, la personne la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est mariée avec cette femme pieuse. Pourquoi? Parce qu'elle a dit ces paroles-là. Elle a dit ces paroles-là avec certitude que Allah subhanahu wa ta'ala allait lui donner meilleur que Abu Salama. وأخيرا الفائدة الأخيرة أن يقال في أن في هذه القصة رسالة للزوجات المؤمنات والأخوات الصالحات بأن يصبرن على مرض أزواجهن وفقرهن أو غير ذلك مما يحصل لهم ولهن في ذلك تلك المرأة الصالحة زوجة أيوب عليه الصلاة والسلام وكيف صبرت واحتسبت حتى كشف الله عن زوجها الغمة فعليك يا أمة الله أن تصبري وأن تحتسبي يا من ابتليتي في زوجك اعلمي أن الفرج قريب وأن مع العسر يسرا وإياك يا أختاه احذري أن تصغي وأن تلتفتي وأن تسمعي إلى المفتونين الضالين الذين لا يريدون لك خيرا فيقولون لك ما هذا الرجل الذي تزوجت به مسكين ما عنده مال بيته صغيرة ضيقة ما يشتري لك أموال ما يشتري لك ثياب ليس عندك ذهب ولا فضة وانظري أين نحن فيما نحن من النعم لا تلتفت إليهن والله لا تلتفت إليهن واصبري مع زوجك اصبري واحتسبي والله لا يضيع الله أجرك والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر الصابرين. La quatrième leçon, on finira par ça, de dire que dans cette histoire-là, il y a un message pour nos sœurs pieuses, pour les femmes, ces femmes-là qui sont mariées avec des maris, qui sont éprouvées par leur mari, par la maladie de leur mari, par la pauvreté de leur mari, ou par toute autre épreuve. Patientez mes sœurs, patientez et attendez la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attendez la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ayez comme exemple cette femme pieuse, la femme de Ayyub alayhi salatu wasalam. Comment elle a patienté, comment elle est restée avec son mari, comment elle a travaillé, comment elle s'est occupée de lui. Et prenez garde mes sœurs d'écouter les gens de la discorde, les gens de l'égarement, les gens qui veulent que de toi du mal, les gens qui veulent que tu te sépares de ton mari, les gens qui veulent que tu vis dans la détresse, qui te disent, c'est quoi ce mari que t'as depuis que t'es marié avec lui, tu vis que dans la tristesse, tu n'es pas heureuse, c'est quoi ce mari qui tombe toujours malade, c'est quoi ce mari qui n'est capable de rien faire, qui est pauvre, il n'est pas capable de ramener de l'argent à la maison, c'est quoi cette maison étroite, C'est quoi cette petite maison? C'est quoi cette robe-là que tu as depuis des années? Tu n'as même pas de l'or. Ton mari ne t'a jamais acheté de l'or. Ne t'a jamais acheté une bague. Ne t'a jamais acheté un collier. Délaisse-le. Délaisse-le. Et Allah, il va te donner un autre. Regardez les ambiguïtés de Shaytan. C'est ces gens-là. C'est les diables parmi les hommes. Wallahi, ces gens-là. Ils ne veulent pas du bien de toi, ma soeur. Wallahi, wallahi, ils ne veulent pas du bien de toi, ma soeur. Patiente. Patiente avec ton mari. Et tu verras que tu auras la bonne fin. Et tu auras une grande récompense. Tu auras une récompense. Tu diras, mais d'où vient cela? D'où vient cette récompense-là? Cela vient de la patience. Et de tout ce que tu as fait avec ton mari. Tout ce que tu as fait pour ton mari. Tout ce sacrifice que tu as fait. Et bien maintenant, on te récompensera. فأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا رب العالمين ارفع البلاء عن أصحاب البلاء اللهم ارفع البلاء عن أصحاب البلاء اللهم ارفع البلاء عن أصحاب البلاء اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا ارزقنا اتباعه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك الله فيكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله